Mixtape, Musicie, Solo Mike, Minos, Jonathan du poteau, Vinka. Eh, eh, seuls les vrais savent, Sans argent, rarement à jeun, madame l'agent, faites péter votre vagin. 25 ans, putain, on a grandi comme notre découvert. En galère, regrette l'époque de ta découverte. Faut les épaules pour assumer. H24, développé, couché. Mais quand la douleur est mentale, c'est Rome qui vient coucher. T'as rien sans rien, faut du bif pour payer le baveux. Mettre ton destin, du vice pour pas passer aux aveux. Devenir un homme sage, aventure tous les jours. L'homme viendrait du singe, j'ai la banane quand vient mon tour. De poser ce que j'ai gratté pour se lancer, faut oser. K.O. carré, 2002 dans une cave. À l'époque c'était danger. Certains enchaînent les 16, d'autres les saisons. J'ai stoppé en moins de 16 pour faire un crampon. La merde ma vie m'a détruit dans une guerre sans fin ni loi. Mon titre français je me reconstruis. Chérie ma vie c'est toi. Même en temps de canicule faut savoir garder la tête froide. Prendre sur soi à tous ces bâtards des gros wad. En 2011 la life c'est sourire, pleurs et rebondissement. Comme le cul à Zaya après un avertissement. Le premier frisson, assassin, la clique à NTL dans les oreilles. C'était le bon vieux temps. On se clash clairement ouais, faut pas qu'on fasse ça. Bêtement. C'était le bon vieux temps, tu stimes mon côté bestial. C'était le bon vieux temps, c'était le bon vieux temps.